On profite du Festival de la bande dessinée francophone de Québec pour faire quelques belles rencontres avec des invités internationaux de l'événement. Il y en a beaucoup. Alors, on est bien content d'ajouter une autre rencontre à notre série. On est en compagnie de Nyx, auteur de Kinky et Cozy. Bonjour. Bonjour. Alors, ben, peut-être, en fait, pour décrire un peu l'esprit de la série pour le bénéfice de ceux qui ne la connaissent pas. Donc, à travers la série Kinky et Cozy, on habille la vie de deux fillettes d'humour noir, caustique, absurde. Oui, exact. Et qu'est-ce qui vous a amené un peu vers cette piste-là, vers cet univers-là? Est-ce que c'est un peu inspiré de votre vie familiale en partie, de votre humour en général? Je crois mon humour en général, mon goût pour une certaine forme d'humour, parce que j'ai grandi avec l'humour de Kamagurka. C'est un auteur belge, flamand, qui dessine aussi dans... pas mal de magazines français et aussi pour mon amour pour Gottlieb qui est quand même très connu dans le monde de la BD francophone et encore quelques autres sources d'influence comme Monty Python et des chaînes des émissions de télé cabaret hollandais que je vais pas nommer parce que ça va vous dire rien, mais comme je suis un flamand, d'où mon accent d'ailleurs, je suis un néerlandophone à la base, j'ai pas mal goûté de plusieurs sources, de plusieurs langues. Et donc, de ces influences-là, de ce désir de faire, d'explorer ce type d'humour-là, parce que je pense qu'effectivement, pour ceux qui ont lu Kinky Cozy, on voit les ponts, on voit les liens entre les références que vous avez mentionnées. Donc, on a décidé de l'appliquer, mais au contexte, donc, de l'histoire de deux fillettes de 8 ans. Donc, pour cette piste-là, en fait, j'ai lu à quelque part que vous aviez deux sœurs et qu'il y avait peut-être des correspondances entre l'un et l'autre. Est-ce que c'est le cas? Mais tout ça, c'est, en fait, ce sont des mensonges que je raconte aux journalistes. Parce qu'ils me posent toujours les mêmes questions, hein, d'où viennent les deux filles. Mais en fait, c'est beaucoup plus simple que ça. J'ai travaillé pour beaucoup de journaux et je faisais à la base des dessins de presse. Donc un gag qui tient juste une journée et après on peut le jeter dans la poubelle. Et à un moment, j'avais envie de faire des bouquins, donc j'ai inventé un univers. Et en très peu de temps, parce que le journal m'avait donné une semaine, j'ai inventé l'univers de Kinky et Cozy. Je me suis dit tout de suite, je vais le faire avec des filles, parce que ce sera beaucoup plus surprenant si les filles sont un peu mal polies, un peu mal éduquées. On attend d'un garçon qui soit pas très bien éduqué, mais on l'attend moins d'une fille. Je voulais aussi des enfants. Parce que les enfants ont l'avantage d'être, comment dire, ils n'ont pas d'agenda caché. Ils peuvent se moquer du monde d'adultes d'un point de vue assez naïf et ouverte. Ce qui est en fait la position du dessinateur, de moi-même, de l'auteur. Je regarde le monde et je donne mes commentaires. Oui, parce que dans le fond, comme vous me dites, le fait de les placer à 8 ans, c'est un âge charnière où ils ont une compréhension et on accepte facilement qu'ils ont une compréhension du monde des adultes, mais où on accepte aussi qu'ils font les bêtises de l'enfance. Donc, il y a beaucoup plus de choses qui sont permises. Ils finalement. Sont pas encore intoxiqués de tout ce qui appartient au monde des adultes. Mais vous avez progressivement, quand même, au fil du temps, entre guillemets, intoxiqué leur univers du monde des adultes aussi, parce que, en fait, au départ, c'était plus centré, il me semble, sur les deux fillettes, mais plus ça va, il y a d'autres personnages qui viennent agrandir, et là, on est pratiquement dans l'univers de Kinky et Cozy, où c'est à la limite le style graphique et le ton qui devient un peu le lien de ce que vous proposez. Et les noms des filles aussi, parce que c'est non seulement... ça sonne comme des noms de filles, comme Cindy et Nelly, mais en fait, c'est aussi deux adjectifs anglais qui signifient d'un côté kinky, un peu bizarre, absurde, et de l'autre côté cozy, un truc plutôt familial. Et j'adorais cette approche de mon univers de BD parce que j'ai toujours voulu que ça mette le lecteur sur la mauvaise jambe. À première vue, on a l'impression que les dessins sont faits pour les enfants, que c'est un truc assez lisible, acceptable, sage. Hein? Et qu'une fois qu'on commence à lire, qu'on découvre qu'il y a quand même des gags qui sont assez punchy. Et donc cet effet de surprise m'a toujours bien plu. Et en fait, de désarçonner un peu le lecteur avec l'ambiance, l'atmosphère. Puis après ça, mais dans le fond, on dirait qu'on garde peut-être comme lecteur un peu l'esprit de ce désarçonnement-là qui nous amène à rentrer dans l'univers, à comprendre l'univers, mais à quand même jouer avec un peu cet effet de surprise-là ou l'impression de départ qu'on a eu dans le premier contact qu'on a eu avec Kinky Cozy, finalement? Ben, l'humour, c'est la surprise, déjà. Et une bonne blague, ça doit être une gifle. Et donc, moi, j'aime bien, tu vois, jouer avec ça. Et en plus, j'aime bien aussi jouer avec l'angoisse. Je trouve que l'humour fonctionne très, très bien dans une situation d'angoisse. Et j'aime bien donc montrer, par exemple, des personnages qui se sentent mal à l'aise parce qu'ils sont dans une situation qu'ils n'aiment pas. Et que finalement, le gag, pour le lecteur, c'est une sorte de libération de tension. Donc, du coup, il fonctionne beaucoup mieux. Et j'imagine que ça s'est aidé aussi parce que par la structure en trois cases, dans la mesure où ça donne un nombre, un cadre quand même assez limité d'espace de cases pour exploiter, pour créer le gag, créer la situation, l'attente, la chute. Est-ce que c'est un peu... en fait, les contraintes un peu de cet espace-là qui anime un peu, qui vous motive, est-ce que vous avez choisi ces contraintes-là pour ça ou est-ce que c'est un peu venu par hasard parce que justement vous dites au départ c'est pour un journal donc le strip reste quand même aussi quelque chose de très associé justement au quotidien à l'instantané médiatique. Oui. Non, je suis un auteur de journaux donc j'accepte les limites des journaux, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup de place donc tu choisis trois ou quatre cases et moi dans mon cas j'en ai choisi trois. Et mais si jamais il y a de la place pour faire une page, je fais une page. Donc je suis vraiment quelqu'un qui travaille pour toujours encore pour un médium qui a ses limites, ses contraintes, mais j'adore les contraintes. J'adore les contraintes de timing, par exemple. J'adore les deadlines. Inventer un truc sur place, improviser, ça j'aime bien. Et la même chose pour la forme graphique. Le dessin doit être simple parce que la façon qu'un journal est imprimé, c'est pas très, très bien imprimé. En fait, souvent, il y a un décalage dans les couleurs. Donc, on ne peut pas se permettre de faire des super beaux dessins. Ça doit être un truc assez direct et simple. Et en même temps, j'ai l'impression que l'accent est mis sur le gag. Justement, c'est pas le visuel qui entoure le gag, c'est l'efficacité des actions, puis un dessin qui est immédiatement compréhensible. Dans le fond, on sait c'est quoi, on comprend, puis après ça, on tombe dans le gag et on vous suit vers la surprise, dans le fond, comme oui. Vous dites. D'abord le scénario, puis le dessin. Oui. Et le dessin peut être en fait moins bon si le gag est bon. Et ce style-là, dans le fond, vous dites, ça s'est créé quand même assez rapidement. Est-ce que quand même, ça fait pas mal d'années maintenant que vous travaillez sur cette série-là. Est-ce que, vous êtes permis quand même d'évoluer, si on peut dire? Parce que, bon, on parlait de strip tantôt, vous avez quand même aussi intégré des histoires un peu plus longues dans d'autres albums, l'univers qui s'est développé, le reste, donc, dans le fond, d'élargir un peu vos contraintes, si on peut dire, ou vos possibles? Ça a bien évolué aussi bien dans le dessin que dans la narration, parce que déjà... Comme exemple, la narration. Moi, j'avais à la base dans la tête, j'envisageais une série qui était faite pour des ados adultes. Mais quand j'ai commencé à faire des albums et je devais dédicacer à des salons de livres comme celui-ci, j'avais une file de jeunes filles et garçons devant moi et je me rendais bien compte qu'il y avait des blagues qui n'étaient pas du tout pour eux. Et donc là, au bout de quelques années, j'ai commencé à quand même m'adapter légèrement à mon public. D'autant plus que Kinky Cozy était choisi en Belgique comme mascotte pour le commissariat des droits des enfants et que Kinky Cozy était publié dans un mensuel qui était distribué dans toutes les écoles en Belgique donc pour les 10 à 12 ans. Donc là, je me suis carrément, j'ai dû évoluer dans l'humour. Dans le dessin, évidemment, j'ai évolué aussi, mais bon, chaque dessinateur évolue dans son dessin, c'est tout à fait logique. Autant que dans la maîtrise de ses personnages, j'imagine ouais. Aussi. On s'approprie de plus en plus, et il y a quelques années, j'ai fait une grosse série de dessins animés avec Kinky Cozy, j'ai développé 500 épisodes de 30 secondes, donc 500 gags en fait, et à ce moment-là, c'était fait avec plein de gens, donc avec une équipe de à peu près 100 personnes. Du coup, j'ai dû développer un style générique quoi, qui pouvait être repris par plein de gens. Autant en Belgique qu'en Corée. Oui, c'est ça. Oui. Et en même temps, justement, dans cette série animée, il me semble que c'était inséré à travers un peu ou un peu avant les bulletins de nouvelles, des choses comme ça. Donc, fallait vous reveniez un peu à l'actualité aussi dans certains de ces... Dans les dessins animés, non. Là, je pense que vous parlez du Monde, parce que je suis quand même okay, à nouveau retombé dans un journal. Kinky Cozy ont été publiés dans Le Monde, c'est-à-dire la version mobile du Monde, où je faisais un gag toutes les semaines sur l'actualité avec mes personnages Kinky et Cozy. Et j'ai dû démarrer en fait la semaine la plus dure des dernières années, c'est-à-dire juste la semaine après les attentats à Paris. Donc oui, évidemment, l'humour était plutôt là pour guérir que pour faire rire. Et c'est un peu tout le défi de l'actualité, parce qu'on ne sait jamais dans quel contexte on va tomber, ou justement... S'il y avait peut-être des choses de planifier où on se dit, bon, OK, il devrait se passer ça, mais finalement, on se fait rattraper par l'actualité, puis il faut changer radicalement de cap, que ce soit dans le dessin de presse ou dans le strip d'actualité, dans le fond. Effectivement, oui. Il faut toujours être prêt de changer très, très vite, oui. Et donc, ça revient un peu à ce que vous dites aussi sur l'attrait de l'improvisation dans le travail, dans le fond, de se donner un cadre autour duquel vous pouvez travailler, vous pouvez inventer rapidement, ou dans le fond, vous revirez de barre, ça, comme on dit en bon québécois. Ben, il n'y a pas de plus difficile que de me dire racontez-nous un gag maintenant, tu vois, sans limite. Tu vois, mais si vous me dites racontez-nous un gag maintenant avec un éléphant et un tabouret, ça ira déjà mieux. Tu vois, okay, il faut des limites. C'est ce qu'on fait avec les sessions d'impro aussi. Hein. On donne des limites dans le dessin ou dans le contexte. Et donc, ça vient nourrir un peu la créativité. Mais au fond, le fait, j'imagine, aussi d'attaquer le dessin d'actualité avec un univers bâti comme celui de King Cozy, en se disant, OK, c'est eux que je fais réagir, plutôt que du strip ou du dessin hors plus d'actualité, mais ça devient un autre gamme. Dans le fond, on se dit, ben là, c'est cet univers-là que je dois faire interagir avec les événements. Oui, en effet, oui. Et j'imagine dans tout ça, c'est qu'il y a une recherche de défi. Dans le fond, l'idée de renouveler un peu, de faire évoluer le contexte de travail, de le transformer, d'aller chercher des défis, dans le fond, un peu aussi à travers tout ça? Ça reste quand même, pour moi, simplement le miroir, ou mon miroir, ou le miroir pour le lecteur de ce qui se passe dans la société. Et la société, en ce moment, est assez riche d'idées pour faire plein de critiques. Parce que dans le fond, dans les albums, c'est que d'un côté aussi, il me semble que vous avez intégré dans certains des réflexions au niveau du voile ou des choses comme ça, ce type de débat-là, mais il y a d'autres débats qui sont moins intégrés un peu dans les versions albums, un peu comme si, dans le fond, on se dit, ben, il y a peut-être un débat qui va malheureusement durer un peu plus longtemps que d'autres qui risquent peut-être d'être un peu plus éphémères, ou... Ben, j'évite les débats qui se font juste cette semaine-ci et ne se feront plus la semaine après. Donc ça, je ne fais plus. C'est justement pour cela que j'ai inventé un univers, pour pouvoir publier des livres après, pour que ça reste un peu plus... Ça a une vie un peu plus longue. Mais il y a des débats comme le voile et comme le terrorisme qui vont malheureusement encore tenir pendant les années qui suivent. Et dans le fond, vous avez développé aussi d'autres personnages, en fait, dans Spirou, notamment Billy Bob, qui est arrivé aussi en version album. J'imagine que c'est aussi encore là pour explorer d'autres styles, d'autres approches, ou pour, en fait, dans le fond, ça fait quand même plusieurs années que vous êtes sur Kiki Cozy, donc on se dit, bon, OK, j'ai envie d'essayer autre chose un peu en parallèle du dessin de presse, en parallèle de la série, en parallèle d'autres choses, d'autres c'était projets. C'était à nouveau une commande pour un magazine, dans ce cas. C'était un magazine de jeunesse, mais... beaucoup plus sage que celui qui publiait King K. Cozy. Et en fait, je devais inventer des gags sur une série d'articles qui expliquent aux enfants comment étudier. Donc, comment est-ce qu'il faut développer une méthodologie pour étudier d'une façon efficace. Et j'avais pas trouvé mieux qu'un cow-boy qui apprend à devenir cow-boy en lisant un livre, donc un manuel sur comment abattre des Indiens. Ce qui est complètement absurde, évidemment, mais c'était un bon départ pour, en effet, développer toute une série de gags sur ce petit cow-boy, Billy Bob, qui est un apprenti cow-boy. Donc, c'est un peu comme pour la King Cozy, dans le fond, c'est l'idée d'avoir un point de départ qui est simple, après ça, de voir un peu comment on peut l'extenser, comment on peut le développer, dans le fond, au fil des strips. D'avoir des ingrédients qui sont clairs, dans le fond, au départ, pour que ça puisse marcher au niveau de la mécanique du gag, dans le fond. Oui, la mécanique du gag est plus ou moins la même. Ceci dit, je dois avouer que je ne connais pas du tout la mécanique du gag. Je la sens, plutôt. Je veux pas la connaître. Ce serait plus marrant si je connaissais exactement les formules pour créer un gag. Pour moi, ça reste toujours la même enquête. Pour trouver un bon gag, je ne sais pas comment m'y attaquer. Sauf qu'il faut avoir le silence, une bonne tasse de café et un peu de temps. C'est tout. Ça peut être une demi-heure ou 10 minutes ou une heure, mais il n'y a pas de... Heureusement, jusque-là, je crois que ça sera le grand défi pour l'intelligence artificielle, quand elle sera développée au niveau que c'est inventer des bons gags, alors là, je quitte le monde. Parce que là, l'homme l'intelligence artificielle aura vaincu l'homme. Donc, dans le fond, l'idée, c'est d'être... Dans le fond, vous avez un calepin, vous notez des flashs, des idées que vous avez, ensuite, vous essayez de les appliquer, ou vous dites, ben, OK, là, il faut que je trouve quelque chose. Justement, j'ai une heure devant moi, je m'installe, j'essaie de trouver des bons scénarios. Comment un peu vous fonctionnez, quand même, pour vous lancer ou pour développer, dans le fond, le temps pour improviser suffisamment pour avoir le gag qui va vous plaire, dans le fond? Ben, il y a différentes façons de trouver un gag, mais ça, en effet, c'est une façon, de manière générale, c'est une question de... d'élargir les idées, donc de trouver plein d'idées qui sont liées d'une façon ou d'une autre avec le thème et de trouver des liens entre les sujets. Et, enfin, bon, de manière générale, c'est comme ça que ça fonctionne. En fait, c'est ce qui s'appelle le brainstorming, mais cette théorie ou cette méthodologie s'applique très très bien à d'autres domaines comme la publicité. C'est assez connu. En fait, dès qu'on est dans le mode création, dans le fond, c'est un peu entre guillemets la même recette. C'est... Dans le fond, on lance des éléments, on essaie de voir un peu comme les pièces d'un casse-tête, dans le fond, puis à un moment donné, ben, y a quelque chose qui se passe. Et là, j'imagine, vous dites, ben, OK, le gag marche, ça fonctionne, on y va avec celle-là, on passe à un autre appel. Ça, c'est surtout question de feeling. Hein. Je le sens si ça fonctionne ou pas. D'ailleurs, pour les dessins animés, ça, c'est une histoire marrante. Je devais inventer 500 blagues dans une demi-année, on va dire, en 6 mois. Donc, je savais que je ne savais pas le faire tout seul. Donc, j'ai invité tous mes copains de la BD qui sont venus squatter chez moi à la maison et on a fait des sessions de brainstorming à plusieurs. Et en fait, c'est rigolo parce qu'on a trouvé des très bonnes blagues, mais je ne me souviens pas qu'on a ri une seule fois. Donc on était là, c'était tous des professionnels de la BD humoristique qui étaient vraiment une aide fantastique pour moi. On a inventé ensemble, c'est comme un groupe de rock quoi, qui est dans une cave et qui joue jusqu'à ce qu'on trouve une bonne chanson. Et là, c'était la même chose. On réfléchissait, on faisait du brainstorming jusqu'à ce qu'on trouvait une bonne blague. Mais il n'y avait aucune personne qui a ri. Parce qu'on était tellement intellectuellement, tu vois, concentré sur le sujet, sur le gag, sur la construction d'un gag. Et on le sentait, on le savait que c'était un bon gag, mais on ne riait pas. Parce que dans le fond, le contexte ne se prêtait pas, dans le fond, à rigoler. On n'est pas là pour... Enfin, c'est presque comme si inventer l'humour, c'est un truc hyper sérieux. C'est dans le fond, ça donne un peu, en fait, parce qu'ils disent toujours, en fait, l'humour, c'est sérieux, puis autant que c'est difficile avec des trucs simples, des fois, c'est faire les trucs les plus simples, c'est les trucs les plus complexes aussi, et de faire un gag en 3 cases qui marche ou en 20-30 secondes, ou avec des limites de temps, mais c'est quand même, ça reste, quand je dis une mécanique, entre guillemets, complexe, avec, dans le fond, un cadre, un fonctionnement qui reste quand même assez flou, comme vous disiez, donc... Ouais. Et surprenant pour moi aussi, parce que moi j'ai un peu joué dans un groupe de rock quand j'étais étudiant, et c'était la même sensation au moment que tu trouves un truc qui te dit ah ça peut marcher, tu vois, et on ajoute des choses où ça évolue dans un certain sens, et c'est presque spirituel, tu vois, c'est tellement ça donne tellement une bonne sensation au moment que tu trouves vraiment un truc où tu ne t'attendais pas et tu sais même plus reconstruire qui a ajouté quoi exactement. Exactement. C'est vraiment un résultat d'une collaboration entre plusieurs personnes. Et à la limite, c'est qu'on redécouvre aussi finalement le résultat de ce gag-là. Une fois le gag produit, dans le fond, une fois la résultante arrivée, est-ce qu'on on le reçoit différemment que dans la construction finalement? Parce que la construction, on le reçoit... On est à l'intérieur du gag, mais on n'est pas encore... On n'a pas le recul, dans le fond. Là, tu poses une question sur l'appréciation d'une blague. Et ça, c'est une autre énigme pour moi. Parce que je me rends compte que ça dépend tellement du goût du lecteur que c'est imprévisible ce qui va fonctionner ou pas. Enfin, en général, j'ai un bon sentiment sur ce qui va fonctionner, mais je suis toujours surpris encore par des gags que moi je trouve un peu médiocres, que plein de gens trouvent fantastiques, et l'inverse. Et les gags en terminant, Nix, par exemple pour Kinky Cozy, dans le fond, est-ce que c'est d'abord enfin important que ça soit drôle pour vous ou est-ce que vous en laissez passer, sachant par exemple justement qu'on voulait dire que pour d'autres, enfin un gag plus banal peut vraiment résonner. Donc non, si quelqu'un dans votre entourage fait ah, ça, je resterai un artiste et pas un marketing man. Donc finalement, je fais juste les gags pour moi-même. Le premier public. Voilà. Et après ça, dans le fond, allons comme lecteur, on finit par voir si justement votre sens de l'humour et le nôtre, il y a une bonne chimie qui se fait dans le fond entre l'auteur puis le lecteur. Ouais, on verra bien si c'est juste ma mère qui aime mes bouquins ou. J'irais de considérer le nombre d'années. Je pense que vous n'êtes pas le seul à avoir ce genre d'humour-là. Vous êtes rendu, je crois, même une fresque, une rue du côté de Bruxelles. Oui, donc, à Bruxelles, oui. Ils ont une tradition à Bruxelles de créer des grands murs avec des personnages de BD. C'est carrément un truc touristique. Il y a plein de Japonais, de Chinois qui viennent à Bruxelles et qui font la balade des façades, des murs en BD. Et ça donne une façon de découvrir la ville qui est très intéressante. Et en plus, ça renforce le lien avec notre quand même culture de BD qui est très riche. Et en effet, récemment, j'ai eu une façade moi-même avec Kinky Cozy, ce qui est quand même une grande honneur. Ben, Nix, merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques minutes. Avec plaisir.